J'ai perdu le 1. Allez, on dirait un morceau de M. Ah là là là là là. We'll be right back. temps qui défile, moi je me sens bien. Tous ces gens qui râlent pour quelques broutilles, moi je ris de les voir. Boire un café, un vrai. Ouais, c'était sympa. Là. On pourrait monter un groupe sur Ninja. On ferait des concerts que sur Ninja. Salut bien.